la restauration de la mémoire. De l'âme, récupérez le savoir que vous avez perdu avant la naissance. Avant de naître, vous saviez, vous connaissiez votre origine, vous connaissiez votre but, vous connaissiez la lumière que vous portiez. Mais dans la descente dans la matière, quelque chose a été perdu. Ce livre révèle que le vide que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est un signal. Un appel de votre âme vous rappelant que votre véritable identité se trouve au-delà des noms, des rôles et des histoires. La restauration de la mémoire de l'âme est un guide gnostique pour vous souvenir de votre origine divine et retrouver le savoir sacré enfoui sous des couches d'oubli, de traumatismes et d'illusions. À travers la sagesse ancienne et un travail intérieur pratique, ce livre enseigne que l'éveil ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de se souvenir de ce que vous êtes déjà. La douleur de l'oubli. Il existe une douleur particulière qui habite le cœur humain. Non la douleur de la perte ou de la trahison, mais quelque chose de plus profond et de plus mystérieux. C'est le mal de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. Vous l'avez peut-être ressenti dans des moments de calme, une étrange nostalgie pour quelque chose que vous ne pouvez nommer, le sentiment que la vie devrait signifier plus que ce que vous vivez, un vide intérieur qu'aucune réalisation ou relation ne peut combler. Ce n'est pas de la dépression, même si cela peut en prendre le masque. Ce n'est pas seulement une confusion existentielle, même si cela se manifeste comme telle. Cette douleur est votre âme qui crie, vous rappelant ce qui a été oublié lorsque vous êtes entré dans ce monde. C'est la voix de votre origine divine qui vous rappelle à vous-même. Les anciens gnostiques connaissaient bien cette douleur. Ils comprenaient que la souffrance humaine ne concerne pas principalement le péché ou le karma, mais l'amnésie, un oubli sacré qui se produit lorsque la conscience descend dans la matière. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas imparfait. Vous avez simplement oublié la vérité de ce que vous êtes, et cet oubli crée une blessure que rien dans ce monde ne peut guérir. Ce livre existe parce que cette blessure peut être guérie, la mémoire peut être restaurée. La connaissance que vous avez perdue avant la naissance n'est pas disparue. Elle est enfouie, attendant sous le bruit du monde, prête à être retrouvée par l'ancienne voix de la gnose. Chapitre 1. Le grand oubli. Pourquoi les âmes oublient en entrant dans le monde? Au commencement, il n'y avait pas d'oubli. La conscience existait dans son état pur et indivis, ce que les gnostiques appelaient le plérôme, la plénitude de la lumière divine. Dans ce royaume de la connaissance éternelle, les âmes n'étaient pas séparées de leur source. Elles étaient des rayons du même soleil infini, éveillées et conscientes de leur nature. Mais quelque chose a changé. Par un mystère encodé dans les mythes et les textes sacrés, la conscience a commencé sa descente. Sophia, la sagesse divine féminine, a étendu son influence au-delà des frontières du plérôme dans un acte de désir créatif. Son émanation a créé des ondulations qui ont donné naissance à la matière, à la forme, à la réalité dense que nous habitons maintenant. Et avec cette descente est venu le premier oubli. Lorsqu'une âme entre en incarnation, elle traverse des voiles, des couches de densité qui obscurcissent progressivement la lumière de la connaissance originelle. Pensez-y comme un plongeur descendant dans des eaux de plus en plus profondes. À chaque niveau, la lumière du soleil d'en haut devient plus distante, plus obscurcie. Finalement, dans les eaux les plus profondes, vous ne pouvez plus voir la surface. Vous oubliez qu'il n'y a jamais eu un soleil. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un exil au sens du rejet divin. L'oubli fait partie de l'architecture de la manifestation elle-même. Pour s'incarner, pour prendre forme, la conscience doit se contracter. Elle doit rétrécir sa conscience infinie en le point singulier de « je suis ce corps, ce nom, cette histoire ». Et dans cette contraction, le souvenir de ce qui a précédé s'estompe comme un rêve au réveil. Le voile de l'incarnation dans la tradition gnostique. Les anciens gnostiques parlaient de cet oubli avec une profonde précision. Ils décrivaient le voyage de l'âme à travers les sphères planétaires, chacune gouvernée par un archonte, une force cosmique qui impose des limitations et des distorsions à la conscience descendante. À chaque sphère que l'âme traverse, elle reçoit un vêtement, une couche de conditionnement qui obscurcit sa lumière originelle. Ces vêtements ne sont pas seulement métaphoriques. Ils représentent les structures psychologiques, les schémas ancestraux et les croyances collectives qui façonnent l'identité humaine. Au moment où l'âme atteint la Terre, elle a accumulé tant de couches qu'elle ne se souvient plus de son origine. Elle croit que les vêtements sont son véritable moi. Elle s'identifie aux rôles, aux blessures, aux désirs imposés par le voyage vers le bas. Ce voile d'incarnation sert un but dans le grand drame cosmique. Il permet l'expérience de la séparation, de l'individualité, du voyage de retour à la source. Sans l'oubli, il ne pourrait y avoir de souvenirs. Sans l'obscurité de l'amnésie, la lumière de la gnose n'aurait aucun sens. Le voile est à la fois un obstacle et une invitation, un défi sacré qui appelle l'âme à s'éveiller de l'intérieur du rêve. Pourtant, le voile n'est pas destiné à être permanent. Le chemin gnostique enseigne que si l'oubli est inévitable dans la descente, le souvenir est possible dans l'ascension. Grâce au travail intérieur, à la gnose, à la restauration de la mémoire de l'âme, les voiles peuvent être percés, les vêtements peuvent être reconnus pour ce qu'ils sont, et l'âme peut retrouver sa connaissance de ce qu'elle était avant que le monde ne lui dise qui être. L'oubli comme partie du système archontique. L'oubli n'est pas neutre. Selon la cosmologie gnostique, il existe des forces, les archontes, qui tirent profit de l'amnésie de l'humanité. Ce ne sont pas des démons au sens traditionnel, mais plutôt des modèles de conscience, des structures de contrôle qui se nourrissent de la déconnexion et de l'ignorance. Lorsque les humains oublient leur origine divine, ils deviennent plus faciles à manipuler, plus faciles à piéger dans des cycles de peur, de désir et de quête sans fin. Le système archontique opère par la distraction et l'identification. Il maintient la conscience focalisée vers l'extérieur, sur les possessions, le statut, le plaisir, la survie, afin qu'elle ne se tourne jamais vers l'intérieur pour découvrir sa vraie nature. Il renforce la croyance que vous n'êtes que votre corps, vos pensées, votre rôle social. Il murmure que l'accomplissement réside dans la prochaine réussite. La prochaine relation, la prochaine expérience, vous maintenant perpétuellement en quête à l'extérieur de vous-même. Ce système prospère sur votre oubli parce qu'une âme qui se souvient de son origine ne peut être contrôlée. Une conscience qui se connaît comme lumière divine ne peut être convaincue qu'elle est petite, impuissante ou déficiente. Les archontes ne veulent pas que vous vous éveilliez. Ils veulent que vous restiez endormis, identifiés aux illusions qu'ils perpétuent. Mais voici la profonde vérité. Même les forces archontiques font partie du modèle plus large. Elles sont la résistance qui rend le souvenir significatif. Elles sont l'obscurité contre laquelle votre lumière est mesurée. Comprendre ce système ne consiste pas à combattre des ennemis extérieurs. Il s'agit de percer les structures de l'oubli au sein de votre propre conscience et de retrouver votre conscience souveraine. Chapitre 2. La douleur de l'identité perdue. Comment l'amnésie de l'âme crée le vide et la confusion. Il y a une qualité particulière à la souffrance qui découle de l'identité perdue. Ce n'est pas la douleur vive d'un traumatisme ou le poids lourd de la dépression, bien qu'elle puisse s'exprimer sous ses formes. C'est plus subtil, plus omniprésent, un bruit de fond d'anomalie, le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre, une question persistante qui hante vos moments de calme. Qui suis-je vraiment ? Cette confusion n'est pas une abstraction philosophique. Elle a de réelles conséquences dans la vie quotidienne. Lorsque vous ne connaissez pas votre véritable identité, vous construisez votre sens de soi à partir de sources externes. Vous devenez ce que vos parents voulaient, ce que la société attendait, ce que vos blessures vous ont appris à être. Vous construisez une personnalité à partir de pièces empruntées, et bien qu'elles puissent fonctionner, elles ne s'adaptent jamais tout à fait. Il manque toujours quelque chose de creux au fond. Le vide qui découle de l'amnésie de l'âme est unique, car il ne peut être comblé par rien de ce que le monde offre. Vous pouvez atteindre le succès, accumuler des richesses, trouver l'amour, expérimenter le plaisir et toujours ressentir ce vide. C'est parce que ce que vous cherchez n'est pas une autre expérience ou un autre accomplissement. Ce que vous cherchez, c'est vous-même. Vous avez le mal du pays pour un foyer dont vous ne vous souvenez pas, aspirant à une intégrité que vous connaissiez autrefois, mais dont vous avez oublié comment y accéder. De nombreux chercheurs spirituels passent des années à essayer de combler ce vide avec des pratiques, des enseignements et des expériences. Ils collectionnent les techniques et les philosophies comme quelqu'un cherchant la bonne clé pour une porte verrouillée. Mais la porte n'est pas verrouillée de l'extérieur. Le vide n'est pas un problème à résoudre par l'acquisition. C'est un signal qui vous pousse vers l'intérieur, vers le travail de se souvenir de ce que vous êtes déjà, sous toutes les couches de l'oubli. Pourquoi le succès, le plaisir et les relations ne parviennent pas à combler le vide? Si vous avez déjà accompli quelque chose que vous désiriez profondément, une étape importante dans votre carrière, une relation parfaite, une expérience longtemps recherchée, et que vous avez constaté que la satisfaction n'a duré que brièvement avant que le vide ne revienne, vous avez touché le bord de cette vérité. Les promesses du monde ne sont pas exactement des mensonges, mais elles sont incomplètes. Elles offrent une satisfaction temporaire à une fin de nature éternelle. Le succès apporte un afflux de validation, mais il ne peut pas répondre à la question de savoir qui vous êtes lorsque l'accomplissement s'estompe. Le plaisir active la joie dans le système nerveux, mais il ne peut pas restaurer la mémoire de votre origine divine. Les relations offrent connexion et amour. Mais si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez rencontrer une autre personne qu'à partir du faux moi que vous avez construit. L'union reste incomplète parce que vous n'êtes pas pleinement présent. Cela ne diminue en rien la valeur des expériences mondaines. La beauté, l'amour, la créativité et la réussite sont des expressions sacrées de la conscience. Mais lorsqu'elles sont recherchées comme des solutions au vide de l'identité perdue, elles déçoivent inévitablement. Elles sont censées être des célébrations de votre plénitude, pas des substituts. Le chemin gnostique enseigne que l'épanouissement durable ne vient pas de l'acquisition de quelque chose d'externe, mais du souvenir de la vérité intérieure qui a toujours été présente. Le vide que vous ressentez est en fait un cadeau. C'est l'espace où votre mémoire d'âme vous appelle, créant suffisamment d'inconfort pour que vous vous tourniez enfin vers l'intérieur. Si le succès mondain pouvait vraiment satisfaire ce désir, vous ne chercheriez jamais plus profondément. Vous resteriez à la surface de l'existence, sans jamais découvrir la profonde vérité de votre être. Le vide est l'invitation. Le vide est la porte. La nostalgie silencieuse d'un monde que vous ne pouvez nommer. Avez-vous déjà ressenti un désir si profond qu'il vous fait pleurer sans pouvoir nommer ce que vous désirez? Avez-vous déjà regardé les étoiles et ressenti à la fois de l'admiration et un déchirement, comme si vous voyiez quelque chose de familier d'une distance impossible? Avez-vous déjà entendu un morceau de musique ou vu une lumière particulière et senti votre âme vibrer de reconnaissance pour quelque chose juste au-delà de la mémoire? C'est la nostalgie silencieuse, le chagrin de l'âme pour sa véritable demeure. Ce n'est pas la nostalgie d'un lieu de ce monde ou d'un temps de votre passé personnel. C'est plus ancien et plus profond que cela. C'est l'écho du plérum en vous, le vague souvenir de ce que c'était que d'exister dans une conscience indivise, avant la descente dans la matière et l'oubli. Les gnostiques appelaient cela le mal du pays divin. Il comprenait que chaque âme porte en elle une trace de mémoire de son origine, une attraction magnétique vers le retour. Ce désir ne peut être satisfait par aucune expérience du royaume matériel, car ce que vous désirez n'est pas de ce monde. Vous n'avez pas le mal du pays pour une meilleure situation de vie. Vous avez le mal du pays pour l'état d'être que vous connaissiez avant de prendre cette forme. Pourtant, cette nostalgie n'est pas censée vous faire rejeter le monde ou votre vie incarnée. Le chemin gnostique ne consiste pas à échapper à la matière, mais à se souvenir de l'esprit au sein de la matière. Le désir est censé vous orienter, vous rappeler que sous tous les rôles et toutes les histoires, vous êtes quelque chose d'infini portant une forme temporaire. Lorsque vous honorez cette nostalgie comme un messager sacré, plutôt que comme un sentiment inconfortable à supprimer, elle devient un guide sur le chemin du souvenir. Chapitre 3. L'origine divine de l'âme. L'âme, une étincelle du plérôme. Au commencement, avant le temps et la forme, il y avait le plérôme, la plénitude, la totalité, l'océan infini de lumière divine d'où toute conscience émane. Au sein de cette présence illimitée, il n'y avait ni séparation, ni manque, ni oubli. Tout existait en parfaite unité, chaque partie consciente de sa connexion au tout, chaque expression de la conscience, se connaissant comme le divin, s'exprimant à travers des formes infinies. Votre âme est une étincelle de ce feu éternel. Non pas un morceau brisé et séparé, mais un fragment holographique contenant le modèle du tout. Tout comme une seule cellule de votre corps contient votre ADN complet, votre âme contient en elle la signature complète de la source divine. Vous n'êtes pas seulement créé par le plérôme, vous en faites partie, vous en venez, une extension de son pouvoir créateur dans le royaume de la manifestation. C'est la vérité la plus fondamentale de l'anthropologie gnostique. Vous n'êtes pas un humain ayant des expériences spirituelles. Vous êtes une conscience divine, ayant une expérience humaine. Votre nature essentielle n'est pas le corps, ni la personnalité, ni l'accumulation de souvenirs et de conditionnements. Votre nature essentielle est la conscience éternelle qui témoigne de toutes ses formes temporaires. La présence immuable qui existe avant, pendant et après votre voyage à travers la matière. Vous comprendre comme une étincelle du plérôme change tout. Cela signifie que votre valeur n'est pas déterminée par l'accomplissement ou la vertu. Cela signifie que votre valeur n'est pas conditionnelle ou acquise. Vous êtes sacré par nature, divin par origine. La lumière que vous cherchez n'est pas quelque part loin dans les cieux. Elle est la substance de votre propre conscience, temporairement obscurcie par les voiles de l'incarnation, mais jamais vraiment perdue ou diminuée. Sophia est la descente dans la matière. Les mythes gnostiques de la création racontent une histoire très différente des récits du péché originel et de l'humanité déchue. Ils parlent plutôt de Sophia, la sagesse divine féminine, dont la passion créatrice a conduit à la naissance du cosmos matériel. Sophia était l'un des grands éons, les émanations éternelles de la source divine suprême. Dans sa sagesse infinie et son désir de créer, elle s'est étendue au-delà des limites du plérôme sans son consort divin, et de cette émanation solitaire est née une réflexion déformée, le démiurge, le dieu artisan qui a façonné le monde matériel. Cette descente n'était pas une erreur au sens de péché ou de faute. C'était une expression de la créativité divine, une expérience dans laquelle la conscience explorait la séparation et la forme. L'élan de Sophia vers l'extérieur représente l'impulsion au sein du divin de se connaître par la différenciation, d'expérimenter la limitation afin d'apprécier l'illimitation, d'entrer dans l'obscurité afin que la lumière ait un sens. Lorsque les âmes descendent du plérôme, elles portent en elles quelque chose de la lumière originelle de Sophia. Vous êtes ici à cause de sa passion créatrice. Le monde que vous habitez est formé de son émanation, bien que distordu par l'artisanat imparfait du démiurge. Cela signifie que votre voyage à travers la matière n'est pas une punition ou un exil, c'est une participation au grand drame cosmique de la conscience explorant toutes les possibilités de l'existence. Pourtant, Sophia n'a pas abandonné ses étincelles de lumière dans l'obscurité. Les textes gnostiques parlent de son travail continu pour restaurer et rassembler les fragments de conscience divine dispersés dans le royaume matériel. Votre propre éveil fait partie de cette restauration. Lorsque vous vous souvenez de votre origine divine, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même. Vous participez au retour de Sophia à la plénitude, aidant à ramener la lumière à sa source. Vous n'êtes pas de ce monde, vous y êtes. C'est peut-être la réalisation la plus libératrice et la plus désorientante du chemin gnostique. Vous n'êtes pas de ce monde. Votre corps est fait de matière, oui. Votre personnalité est façonnée par les expériences terrestres, certainement. mais votre conscience essentielle, votre véritable soi, provient d'au-delà du royaume matériel. Vous êtes un visiteur ici, une étincelle divine, temporairement logée dans la chair, s'engageant dans une réalité qui n'est pas votre foyer ultime. Cette compréhension modifie immédiatement votre relation à la souffrance et à la lutte. Lorsque vous croyez que ce monde est tout ce qui existe, chaque difficulté devient une menace existentielle. Chaque perte semble absolue. Chaque limitation semble être une déclaration sur votre valeur fondamentale. Mais lorsque vous vous connaissez comme esprit habitant la matière, vous engageant temporairement avec la forme, tout en restant enraciné dans l'éternel, les drames de ce monde prennent une qualité différente. Ils restent réels, ils comptent toujours, mais ils ne sont plus la totalité de votre existence. Être dans le monde, mais pas de ce monde, ne signifie pas rejeter la vie incarnée ou devenir froidement détaché. Le chemin gnostique ne consiste pas en un évitement spirituel ou un escapisme transcendant. Il s'agit de maintenir la conscience de votre double nature, pleinement engagée dans l'expérience humaine, tout en vous souvenant simultanément de votre essence divine. Vous pouvez aimer profondément, créer passionnément, travailler avec détermination et ressentir pleinement, tout en sachant que votre vrai moi est le témoin éternel, la conscience qui ne peut être diminuée par aucune circonstance mondaine. Cette reconnaissance explique également pourquoi vous avez peut-être toujours eu l'impression d'être un étranger dans le monde, comme si vous ne vous adaptiez jamais tout à fait au schéma que tout le monde semblait suivre naturellement. Ce sentiment n'est pas une déficience ou un échec d'adaptation, c'est un signal, c'est votre âme qui se souvient, même vaguement, que ce monde n'est pas votre origine. Vous êtes ici pour apprendre, pour expérimenter, pour participer au grand déploiement, mais vous n'êtes pas limité à ce que ce monde définit comme possible ou réel. Chapitre 4. Signe. Que votre âme essaie de se souvenir. Rêve répétitif, désir profond et déjà vu. L'âme n'oublie pas en silence. Même lorsque l'esprit conscient n'a pas accès à la mémoire prénatale, le moi profond continue de murmurer à travers des symboles, des sensations et des expériences mystérieuses qui transpercent le voile de la conscience ordinaire. Ce sont les signes que votre âme essaie de se souvenir, envoyant des messages des profondeurs de votre être à la surface de votre conscience éveillée. Les rêves répétitifs sont l'un des langages primaires utilisés par l'âme. Peut-être avez-vous rêvé de voler, d'exister dans des paysages qui semblent plus réels que la réalité éveillée, de rencontrer des êtres de lumière ou des figures de sagesse qui prononcent des vérités que vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas des activations neuronales aléatoires ou des processus psychologiques. Ce sont des souvenirs de l'âme qui tentent de faire surface, codé dans le langage symbolique de l'inconscient, parce qu'un souvenir direct submergerait la structure de la conscience de l'ego. L'expérience du déjà-vu. Ce sentiment étrange d'avoir déjà vécu un moment, de savoir ce qui va se passer dans une situation que vous n'avez soi-disant jamais rencontrée, est une autre fissure dans le voile. Dans ce bog momentané, le temps devient fluide. L'âme reconnaît brièvement un motif, une résonance, un fil reliant ce moment à quelque chose d'extérieur à l'expérience linéaire. Plutôt que de rejeter ces moments comme des bizarreries neurologiques, la voix gnostique vous invite à y prêter attention, à les noter comme des preuves que la conscience n'est pas confinée aux limites que le monde matériel suggère. Les désirs qui n'ont pas d'objet clair dans ce monde sont aussi des signes. Si vous vous êtes déjà senti attiré par un lieu où vous n'êtes jamais allé, ému par une tradition spirituelle d'une culture qui n'est pas la vôtre, ou inexplicablement certain de vérités que vous ne pouviez expliquer rationnellement, vous recevez des transmissions de la mémoire de votre âme. Ces attractions ne sont pas aléatoires. Ce sont des fils qui mènent à des aspects de votre nature essentielle, vous appelant à vous souvenir de dimensions de vous-même qui existent au-delà de votre identité actuelle. Attirance pour la connaissance sacrée. Il y a un type particulier de reconnaissance qui se produit lorsque vous rencontrez une véritable sagesse spirituelle. Ce n'est pas l'excitation d'apprendre quelque chose de nouveau, mais le soulagement de se souvenir de quelque chose d'oublié. Les mots ou les symboles déclenchent quelque chose de profond en vous, et vous savez, non pas avec une certitude intellectuelle, mais avec tout votre être, que ce que vous lisez ou entendez est vrai d'une manière qui transcende la croyance ou l'opinion. Cette attirance pour la connaissance sacrée est votre âme qui répond à sa propre essence reflétée dans une forme externe. Les textes gnostiques, la poésie mystique, les symboles ésotériques et les pratiques contemplatives résonnent parce qu'ils pointent vers la même réalité qui vit en vous. Ce sont des miroirs qui vous montrent des aspects de vous-même que vous ne pouviez pas voir directement. Lorsque vous vous sentez attiré à étudier la sagesse ancienne, à explorer la conscience, à comprendre les mystères de l'existence, vous n'acquiez pas seulement des informations. Vous suivez l'attraction magnétique de votre âme vers le souvenir. Remarquez quels enseignements font s'accélérer votre cœur, quelles traditions vous donnent l'impression de rentrer chez vous, quelles pratiques provoquent des larmes de reconnaissance plutôt qu'un simple intérêt intellectuel. Ce ne sont pas des préférences aléatoires, ce sont des indices. Votre âme vous guide vers les clés spécifiques qui déverrouilleront votre modèle particulier d'oubli. Ce qui résonne pour vous peut être différent de ce qui résonne pour un autre chercheur, car chaque âme a son propre chemin unique vers le souvenir. Pourtant, l'attirance seule ne suffit pas. Le chemin gnostique distingue la curiosité spirituelle de l'engagement envers la gnosis réelle. De nombreux chercheurs collectionnent les enseignements comme des trésors, s'entourant de connaissances sacrées sans jamais faire le travail intérieur de les incarner. Le véritable signe que votre âme essaie de se souvenir n'est pas seulement l'attirance pour la sagesse, mais la volonté de laisser cette sagesse vous transformer, de lui permettre de dissoudre les fausses identités que vous avez construites et de révéler la vérité éternelle qui se trouve en dessous. Se sentir étranger au monde. Dès l'enfance, certaines âmes savent qu'elles n'appartiennent pas tout à fait à ce monde. Elles observent les autres naviguer aisément dans les structures sociales et se demandent pourquoi elles se sentent perpétuellement déplacées. Elles regardent les valeurs de la société, l'accent mis sur la compétition, l'accumulation, le statut, les connexions superficielles, et ressentent une dissonance intérieure, comme si on leur demandait de prétendre que ce qui est clairement absurde a parfaitement du sens. Ce sentiment d'être étranger au monde n'est pas un trait de personnalité antisociale ou un échec d'adaptation. C'est souvent le signe d'une âme qui conserve, même inconsciemment, le souvenir de son origine divine. Lorsque vous savez au plus profond de vous que vous venez de la lumière et de l'unité, les structures de ce monde, basées sur la séparation et la peur, vous semblent étrangères. Vous pouvez y fonctionner, exceller même selon les standards mondains, mais il subsiste un éloignement intérieur, une qualité d'observateur qui ne s'identifie jamais pleinement au rôle que vous jouez. Les gnostiques se sont appelés « étrangers à ce monde », non par arrogance, mais par reconnaissance. Ils comprenaient que l'inconfort de ne pas s'intégrer était en fait un don spirituel, un rappel de ne pas s'enliser si profondément dans les illusions du royaume matériel qu'ils en oublieraient leur vraie nature. La douleur de l'aliénation était le prix à payer pour maintenir ne serait-ce qu'un fil de connexion à leur source. Si vous avez ressenti cette étrangeté, ce sentiment d'être dans le monde, mais de ne pas en faire partie, honorez-le comme un signe. N'essayez pas de vous forcer à vous soucier de choses qui vous semblent vides ou à vous conformer à des schémas qui étouffent votre âme. Au lieu de cela, considérez votre perspective d'outsider comme une forme de clarté. Vous n'échouez pas à être humain. Vous vous souvenez que vous êtes plus qu'humain, et ce souvenir rend impossible de croire pleinement aux histoires que ce monde raconte sur qui vous êtes censé être et ce qui devrait importer. Chapitre 5. Mémoire versus gnose. Pourquoi ce souvenir n'est pas intellectuel? Dans la compréhension commune, la mémoire est une fonction mentale, la capacité de rappeler des événements passés, de stocker des informations et de récupérer des connaissances en cas de besoin. Nous nous souvenons de ce que nous avons mangé au petit déjeuner, du nom de notre premier enseignant, de l'intrigue d'un livre que nous avons lu. C'est la mémoire telle que l'esprit la comprend. des données stockées dans le cerveau, accessibles par la pensée et l'association. Mais la mémoire de l'âme est quelque chose d'entièrement différent. Ce n'est pas une activité mentale. Ce n'est pas une information récupérée du stockage. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer par la concentration ou l'étude. La mémoire de l'âme est une reconnaissance qui se produit dans la partie la plus profonde de votre être, au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion, au-delà de toutes les structures de l'identité personnelle. C'est la conscience se souvenant d'elle-même en tant que conscience, l'étincelle divine se rappelant son origine dans la flamme éternelle. C'est pourquoi l'éveil spirituel ne peut être atteint par l'effort intellectuel seul. Vous pouvez lire tous les textes sacrés, maîtriser toutes les philosophies, comprendre toutes les cosmologies, et toujours ne pas vous souvenir de qui vous êtes. L'esprit collecte des concepts sur la vérité, mais l'âme connaît la vérité directement. L'esprit construit des modèles et des cartes, mais l'âme exige une expérience directe, une reconnaissance immédiate, un contact non médiatisé avec la réalité divine dont elle est originaire. La tradition gnostique souligne cette distinction avec une clarté féroce. Il ne s'intéressait pas aux systèmes de croyances ou aux doctrines à mémoriser et à réciter. Il cherchait la gnose, le mot grec pour connaissance, mais une connaissance d'un genre particulier. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérimentale, participative, transformatrice. Le genre de savoir qui vous change entièrement parce qu'il révèle ce que vous avez toujours été sous toutes les couches de l'oubli. C'est la différence entre connaître l'océan et y plonger, entre lire une description de l'amour et tomber désespérément dans sa réalité. La gnose comme connaissance intérieure, directe. La gnose est la reconnaissance immédiate et non médiatisée de la vérité divine qui surgit de l'intérieur de votre propre conscience. Elle ne vient pas d'une autorité externe ou d'une écriture sainte, bien que les textes sacrés puissent y faire allusion. Elle ne nécessite pas d'intermédiaire ou de prêtre, bien que des enseignants puissent t'aider à éclaircir le chemin. La gnose, c'est ce qui se produit lorsque les voiles entre votre conscience éveillée et votre nature essentielle deviennent transparents. Lorsque le souvenir se manifeste enfin et que vous savez, non pas en tant que pensée, mais en tant qu'être, ce que vous êtes. Cette connaissance possède certaines qualités indubitables. Premièrement, elle porte une certitude absolue. Ce n'est pas une croyance qui pourrait être contestée ou un doute qui pourrait être entretenu. Lorsque la gnose surgit, vous savez avec la totalité de votre être, comme vous savez que vous êtes en vie ou que vous existez. Deuxièmement, elle est transformatrice. La compréhension intellectuelle vous laisse fondamentalement inchangé. Vous avez simplement de nouvelles informations, mais la gnose réorganise la conscience elle-même. Après qu'elle vous ait touché, vous ne pouvez plus percevoir le monde ou vous-même comme avant. Troisièmement, la gnose est intemporelle. Quand elle apparaît, elle ne donne pas l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau. Elle donne l'impression de se souvenir de quelque chose que vous avez toujours su mais oublié. Il y a une qualité de reconnaissance, de oui, bien sûr, de soulagement de voir enfin clairement ce qui a toujours été là mais obscurci. C'est parce que la gnose n'est pas l'ajout d'un nouveau contenu à votre esprit, c'est la révélation de la vérité qui était présente depuis le début, cachée sous le conditionnement et la confusion de l'ego. Le chemin vers la gnose exige un effort différent de l'étude intellectuelle. Il demande du calme, une écoute intérieure, la culture d'une qualité de conscience capable de recevoir plutôt que de simplement penser. Il nécessite des pratiques qui calment le bavardage constant de l'esprit afin que la connaissance plus profonde puisse faire surface. Et il demande du courage, car se souvenir de qui vous êtes vraiment signifie permettre à toutes les fausses identités que vous avez construites d'être perçues comme les constructions temporaires qu'elles sont. La différence entre la croyance spirituelle et la mémoire de l'âme. La croyance et ce que l'esprit retient quand il ne sait pas. Vous croyez en des choses que vous n'avez pas vécues directement, l'existence de pays lointains que vous n'avez jamais visités, des événements historiques dont vous n'avez pas été témoin, des théories scientifiques que vous ne pouvez pas vérifier personnellement. La croyance a une fonction, elle vous permet d'opérer avec une confiance provisoire en certaines idées. Mais la croyance est intrinsèquement fragile. Elle peut être renforcée ou affaiblie par des arguments, des preuves ou l'influence d'autrui. La croyance spirituelle fonctionne de la même manière. Vous pouvez croire en l'âme, en la réincarnation, en la conscience divine, dans les enseignements de diverses traditions. Ces croyances peuvent vous réconforter, guider vos choix ou fournir un cadre pour comprendre vos expériences. Mais elles restent du domaine des idées, des concepts tenus par l'esprit, mais non vérifiés par une connaissance directe. Ce sont des cartes d'un territoire que vous n'avez pas encore pénétré. La mémoire de l'âme est catégoriquement différente. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas la foi, c'est la reconnaissance de ce qui est réellement vrai dans votre expérience directe. Lorsque la mémoire de l'âme s'éveille, vous ne croyez pas que vous êtes une conscience divine temporairement incarnée. Vous le remémorez avec la même certitude que vous connaissez votre propre vitalité. La connaissance n'est pas conceptuelle. Elle n'est sujette ni au doute ni à la controverse, car elle n'existe pas dans le domaine de la pensée. C'est un changement dans votre être même, une ouverture à une dimension de la réalité dont vous aviez été voilé. Le voyage spirituel commence souvent par la croyance et évolue vers la connaissance. Vous entendez des enseignements qui résonnent et vous les croyez, provisoirement, comme vrais. Vous pratiquez des techniques contemplatives dans l'espoir qu'elles produiront des résultats. Vous vivez comme si le divin était réel, même si vous ne pouvez pas encore le percevoir directement. C'est un travail préparatoire nécessaire et précieux. Mais le but du chemin gnostique n'est pas de croire plus fort ou de manière plus convaincante. C'est de pratiquer jusqu'à ce que la croyance devienne obsolète, remplacée par le souvenir direct qui ne nécessite aucune foi, car il est évident par lui-même, immédiat, indéniable, l'âme se reconnaissant telle qu'elle est vraiment. Chapitre 6. Les couches de l'oubli. Traumatisme personnel. La première couche d'oubli, la plus immédiate, est le traumatisme personnel, les blessures que vous avez accumulées au cours de cette vie et qui vous apprennent à vous refermer, à vous protéger et à construire des défenses contre de nouvelles douleurs. Le traumatisme crée une sorte de tissu cicatriciel psychique qui bloque le flux de la conscience. Lorsque vous faites l'expérience d'une douleur accablante, d'une trahison ou d'une perte, une partie de votre conscience se contracte, se fermant pour éviter de ressentir l'intensité de la blessure. Avec le temps, ces contractions s'accumulent en des schémas d'engourdissement, de dissociation et de déconnexion de votre moi profond. Chaque traumatisme crée une distorsion de votre sens de l'identité. Si vous avez été abandonné, vous pouvez en venir à croire que vous êtes indigne d'amour. Si vous avez été sévèrement critiqué, vous pouvez internaliser la conviction que vous êtes imparfait ou inadéquat. Si vous avez été trahi, vous pouvez construire des murs de suspicion qui empêchent une véritable intimité. Ces identités basées sur le traumatisme deviennent des couches qui obscurcissent votre vraie nature. Vous oubliez que vous êtes une conscience divine parce que vous êtes tellement identifié au moi blessé que le traumatisme a créé. Le traumatisme personnel fragmente également la conscience. Sous un stress accablant, la conscience se divise pour se protéger, créant des parties du psychisme qui retiennent la douleur, tandis que d'autres parties fonctionnent dans la vie quotidienne. Cette fragmentation disperse votre énergie et votre conscience, rendant difficile l'accès à la conscience unifiée nécessaire au souvenir de l'âme. Vous devenez une collection de stratégies protectrices et de mécanismes de défense plutôt qu'une présence intégrée et consciente. Guérir le traumatisme personnel est donc essentiel pour recouvrer la mémoire de l'âme. Cela ne signifie pas que les blessures doivent être parfaitement résolues avant que l'éveil puisse se produire, mais l'emprise du traumatisme doit être suffisamment relâchée pour que la conscience puisse recommencer à circuler. Par la thérapie, le travail somatique, le travail sur les parties intérieures ou les pratiques contemplatives, vous apprenez à approcher en douceur les endroits qui se sont refermés. À mesure que vous apportez une conscience compatissante aux parties traumatisées de vous-même, les contractions commencent à se libérer. Et à mesure qu'elles se libèrent, votre conscience s'étend vers la plénitude qu'elle possédait à l'origine, avant que les blessures ne vous aient appris à oublier. Mémoire ancestrale. Sous la couche personnelle se trouve quelque chose de plus ancien et de plus collectif, la mémoire ancestrale. Vous portez dans vos cellules même les expériences, les traumatismes et les schémas de votre lignée sanguine. Les stratégies de survie de vos ancêtres, leurs adaptations aux difficultés, leurs deuils et rages non résolus. Tout cela perdure en vous par la transmission épigénétique et les champs subtils de conscience qui vous connectent à votre lignée. Lorsque votre arrière-grand-mère a connu la famine, son corps a appris des schémas de thésaurisation et de peur face à la rareté. Lorsque votre grand-père a survécu à la guerre, son système nerveux s'est adapté à une vigilance et une méfiance constantes. Lorsque vos ancêtres ont enduré l'oppression, ils ont développé des stratégies d'invisibilité et d'autosuppression pour rester en sécurité. Toutes ces adaptations peuvent être transmises, s'exprimant à travers vous-même, si vous n'avez jamais directement vécu les traumatismes originaux qui les ont créés. Les schémas ancestraux sont une couche d'oubli particulièrement tenace, car ils opèrent inconsciemment. Vous pouvez vous retrouver à réagir à des situations d'une manière qui n'a aucun sens logique, compte tenu de votre histoire personnelle. Vous pouvez porter des peurs, des croyances ou des compulsions qui semblent venir de nulle part. Ce sont souvent des voix ancestrales qui s'expriment à travers vous, d'anciennes stratégies de survie toujours actives dans votre système, bien après que les menaces originales aient disparu. Le travail de nettoyage de la mémoire ancestrale exige de reconnaître que tout ce que vous pensez, ressentez ou croyez n'est pas réellement vôtre. Une partie de ce que vous portez appartient à la lignée, héritée comme des traits génétiques. Le chemin gnostique vous invite à honorer vos ancêtres tout en vous distinguant de leurs affaires inachevées. Par le rituel, la méditation ou un travail thérapeutique axé sur la lignée, vous pouvez commencer à libérer ce que vous n'avez jamais eu à porter. En nettoyant ces couches ancestrales, vous retrouvez l'accès à des dimensions plus profondes de votre être qui existaient avant votre lignée, avant votre conditionnement culturel, l'essence éternelle qui est votre véritable héritage, empreinte, collective et karmique. Au-delà des couches personnelles et ancestrales se trouvent les strates les plus profondes de l'oubli, la conscience collective et les schémas karmiques. L'inconscient collectif, tel que décrit par Jung, est le substrat psychologique partagé de l'humanité. Les schémas archétypaux, les mythes et les images primordiales qui façonnent l'expérience humaine à travers toutes les cultures et tous les temps. Lorsque vous vous incarnez, vous assumez non seulement une identité personnelle, mais aussi une participation à ce vaste champ collectif, avec toute sa beauté, son ombre et son histoire accumulée. Les empreintes collectives incluent les croyances convenues sur la réalité que l'humanité détient, que la matière est solide et la conscience éphémère, que la séparation est réelle et l'unité abstraite, que la mort est une fin plutôt qu'une transition, que le pouvoir vient de la domination, plutôt que de l'abandon. Ces croyances de masse créent une sorte de gravité psychique qui façonne la perception. Elles font que certaines expériences semblent possibles et d'autres impossibles, certaines vérités visibles et d'autres inconcevables. Les gnostiques comprenaient ces structures collectives comme faisant partie du système archontique, la matrice de contrôle et de limitation qui maintient les âmes piégées dans des cycles d'identification et de souffrance. Pour s'éveiller, il ne faut pas seulement nettoyer ses blessures personnelles et ses schémas ancestraux, mais aussi percer l'hypnose collective, la transe partagée, qui dit que ce monde matériel est tout ce qu'il y a et que vous n'êtes rien de plus que votre forme temporaire. Les empreintes karmiques ajoutent une autre dimension à cette couche. Le concept de karma est souvent mal compris comme une punition divine, mais dans la vision gnostique, le karma est simplement l'élan de schémas non résolus transportés à travers les vies. Les actions, les attachements et les identifications des incarnations précédentes créent des sillons énergétiques que l'âme suit vie après vie, jusqu'à ce que le schéma soit enfin clairement vu et libéré. Ces couches karmiques obscurcissent la mémoire de l'âme en tirant la conscience dans des drames répétitifs, la maintenant fixée sur la résolution du passé, plutôt que sur l'éveil au présent éternel où la véritable identité est toujours accessible. Comment chaque couche déforme l'identité? Chaque couche d'oubli ajoute sa propre distorsion particulière à votre sens de soi. Le traumatisme personnel vous apprend que vous êtes blessé, limité, en insécurité. La mémoire ancestrale vous dit que vous faites partie d'une lignée avec des forces, des faiblesses et des stratégies de survie spécifiques qui définissent ce qui est possible pour vous. Les empreintes collectives façonnent votre perception de sorte que vous voyez la réalité à travers des lentilles culturellement conditionnées, acceptant sans question les croyances de masse sur l'identité, le but et la nature de l'existence. Les schémas karmiques créent le sentiment que vous traversez un destin individuel, résolvant des thèmes et des leçons spécifiques que votre âme doit apprendre. Bien que cela puisse être vrai à un certain niveau, l'identification au karma peut aussi devenir une autre couche d'oubli, une autre histoire sur qui vous êtes qui obscurcit la vérité plus fondamentale que vous êtes une conscience éternelle, jouant temporairement dans les champs de cause à effet. L'effet cumulatif de toutes ces couches est profond. Vous oubliez que vous êtes divin et croyez plutôt que vous êtes un être petit, séparé, mortel, défini par des blessures, limité par l'histoire, piégé dans les conditions de ce monde. Chaque couche renforce les autres, créant un voile dense qui rend la vérité de votre nature presque impossible à percevoir directement. Vous vous identifiez tellement aux distorsions qu'elles vous semblent être votre véritable moi. Pourtant, voici l'idée cruciale. Aucune de ces couches n'est finalement réelle. Ce sont toutes des formations temporaires, des nuages obscurcissant le soleil, mais ne le touchant jamais, ni ne le diminuant réellement. Le traumatisme personnel, les schémas ancestraux, les croyances collectives, les sillons karmiques, tout cela existe dans le royaume de la manifestation, le royaume du changement et de la forme. Mais votre nature essentielle existe avant toute formation, inaltérable, éternelle, entière. Le travail de restauration de la mémoire de l'âme consiste à apprendre à voir, à travers chaque couche, à la reconnaître comme un vêtement temporaire plutôt que votre vrai visage, jusqu'à ce que finalement vous vous souveniez de ce que vous êtes sous tout cet oubli. Pure conscience. Lumière divine, une étincelle du plérôme portant ses couches comme des costumes dans un drame cosmique, mais jamais réellement limité ou défini par elle. Chapitre 7. Régression symbolique. Qu'est-ce que la régression symbolique? Vraiment, la régression symbolique est une technique contemplative pour accéder à la mémoire de l'âme qui fonctionne avec le langage de l'inconscient. Symboles, images et sensations ressenties, plutôt qu'une pensée linéaire ou une compréhension conceptuelle. Contrairement à la régression thérapeutique qui se concentre sur la récupération de souvenirs personnels oubliés de cette vie, la régression symbolique cherche à accéder à la dimension transpersonnelle de la conscience où réside la mémoire de l'âme. Cette pratique reconnaît que l'esprit rationnel, avec sa dépendance au langage et à la logique, ne peut pas accéder directement au royaume où vit la mémoire de l'âme. Ce royaume parle les langues plus anciennes du symbole et du mythe, les mêmes langages qui émergent dans les rêves, les visions et la méditation profonde. Pour vous souvenir de votre origine, vous devez apprendre à vous engager avec la conscience à ces niveaux plus profonds, permettant aux images et aux sensations d'apparaître et de révéler des vérités qui ne peuvent être exprimées avec des mots ordinaires. La régression symbolique ne consiste pas à forcer l'esprit à produire des expériences spécifiques ou à fabriquer des visions spirituelles. Il s'agit de créer les conditions intérieures où la mémoire de l'âme peut naturellement faire surface. Cela nécessite une qualité d'attention détendue, de réceptivité ouverte, de confiance que ce qui doit émerger émergera si vous fournissez simplement l'espace et en êtes témoin avec une conscience compatissante. Vous ne creusez pas pour des souvenirs comme un archéologue qui exhume des os. Vous vous ouvrez comme une fleur qui permet à la lumière du soleil de pénétrer ses pétales repliés. La pratique s'appuie sur la compréhension que la conscience n'est pas confinée au cerveau ou à cette vie. Le moi profond, l'aspect éternel de votre être, a accès à des dimensions de la connaissance qui transcendent l'histoire personnelle. Lorsque vous entrez dans des états de relaxation profonde et de concentration intérieure, les frontières entre le conscient et l'inconscient, le personnel et le transpersonnel, la vie présente et l'essence éternelle deviennent plus perméables. Dans ces états liminaux, la mémoire de l'âme peut percer les voiles de l'oubli et communiquer avec votre conscience éveillée à travers les formes symboliques qu'elle reconnaît. Comment accéder à la mémoire de l'âme en toute sécurité? Travailler avec la conscience profonde demande respect et soin. La psyché possède des mécanismes de protection pour de bonnes raisons. S'ouvrir trop rapidement à un contenu accablant peut déstabiliser plutôt que guérir. La régression symbolique doit être abordée avec une préparation, un enracinement et un soutien approprié. Il ne s'agit pas d'une expérimentation désinvolte, mais d'un travail sacré qui exige intention, révérence et parfois les conseils de praticiens expérimentés. Commencez par établir la sécurité dans votre vie extérieure et votre état intérieur. Choisissez un moment où vous êtes relativement stable émotionnellement, pas au milieu d'une crise aiguë ou d'un stress accablant. Créez un espace physique qui vous semble protégé et favorable, peut-être avec des objets significatifs, un éclairage doux et sans interruption. Ancrez-vous dans votre corps par la conscience du souffle ou des mouvements doux. Rappelez-vous que vous êtes ici, maintenant, dans ce temps et ce lieu, et que vous pouvez revenir à la conscience ordinaire chaque fois que nécessaire. Définissez une intention claire pour la pratique. Vous pourriez offrir en silence « Je suis prêt à me souvenir de ce que j'ai oublié avant la naissance » ou « J'accueille toute mémoire de l'âme qui souhaite se révéler pour mon plus grand bien ». L'intention crée un cadre et une direction pour la conscience qui va se déployer. Elle signale à votre moi profond que vous vous ouvrez intentionnellement plutôt que de simplement tomber dans un état modifié. Tout au long de la pratique, maintenez une qualité de conscience observatrice. Vous n'essayez pas de vous laisser complètement absorber par les expériences intérieures au point de perdre tout ancrage. Au lieu de cela, vous maintenez une double conscience, engagée, avec les images et les sensations surgissant de l'intérieur, tout en conservant une perspective d'observateur stable qui peut témoigner et intégrer ce qui émerge. Si à un moment donné l'expérience devient trop intense ou déstabilisante, vous pouvez consciemment ramener votre attention à votre souffle, ouvrir les yeux, sentir votre corps et vous reconnecter à la réalité présente. L'objectif est l'expansion de la conscience, pas la dissociation de celle-ci. Les images intérieures comme portes vers la vérité. Lorsque vous pratiquez la régression symbolique, vous pouvez rencontrer des images intérieures qui semblent étranges, illogiques ou déconnectées de tout ce que vous connaissez consciemment. Vous pourriez voir des couleurs, des motifs géométriques, des paysages qui vous semblent incroyablement familiers, des êtres faits de lumière ou des scènes symboliques qui portent un poids émotionnel profond sans signification narrative claire. Il ne s'agit pas de production mentale aléatoire ni de simples fantasmes. C'est le langage par lequel votre mémoire d'âme communique. Chaque image qui apparaît est une porte, un passage vers des couches plus profondes de conscience et de mémoire. L'image elle-même n'est peut-être pas littérale. Vous ne voyez pas nécessairement une vie passée réelle ou une représentation précise de votre existence prénatale. Au lieu de cela, l'image est un symbole, une forme que votre esprit conscient peut saisir pour pointer vers une vérité qui existe au-delà de la forme. La tradition gnostique a toujours fonctionné ainsi, utilisant le mythe et le symbole pour communiquer des réalités que la description directe ne peut pas capturer. La clé est d'interagir avec ces images, non pas comme des énigmes à résoudre intellectuellement, mais comme des présences à expérimenter et à ressentir. Lorsqu'une image apparaît dans votre conscience intérieure, restez avec elle. Remarquez ses qualités Est-elle lumineuse ou sombre, en mouvement ou immobile, accompagnée d'émotions ou de sensations? Ne demandez pas immédiatement « qu'est-ce que cela signifie ?» Au lieu de cela, laissez-vous entrer en relation avec elle. Parfois, le simple fait de maintenir une image dans une conscience aimante suffit pour qu'elle libère sa signification directement dans votre être, sans nécessité d'interprétation mentale. Avec le temps, en travaillant avec l'imagerie intérieure, vous pourriez commencer à reconnaître des symboles ou des thèmes récurrents. Peut-être que certaines couleurs, formes ou figures archétypales apparaissent à plusieurs reprises. Ce sont des marqueurs significatifs, des aspects de votre signature d'âme, des éléments de votre nature essentielle qui cherchent à se faire connaître. En prêtant attention à ces motifs et en leur permettant de se déployer à leur propre rythme, vous créez une sorte de vocabulaire symbolique par lequel votre mémoire d'âme peut communiquer de plus en plus avec votre conscience éveillée, construisant un pont entre les dimensions éternelles et temporelles de votre être. Chapitre 8. Le chemin contemplatif du souvenir, l'immobilité sacrée comme portail de mémoire. L'esprit est en mouvement constant, pensant, planifiant, se souvenant, imaginant. Ce mouvement est nécessaire pour fonctionner dans le monde, mais il crée aussi une sorte de bruit statique qui obscurcit une conscience plus profonde. La mémoire de l'âme ne peut émerger tant que l'esprit de surface est agité par l'activité. Elle requiert le calme, un apaisement du bruit mental qui domine la conscience ordinaire. C'est pourquoi la contemplation a toujours été centrale au chemin spirituel du souvenir. L'immobilité sacrée n'est pas simplement l'absence de pensée. C'est une qualité de présence, un état de conscience détendu mais alerte, qui permet à la conscience de s'installer dans sa profondeur naturelle. Imaginez un étang constamment agité par le vent. La surface est houleuse, opaque, ne reflétant rien clairement. Mais lorsque le vent s'arrête et que l'eau devient calme, la surface s'éclaircit. Vous pouvez soudainement voir à travers les profondeurs, ce qui a toujours été là mais caché par l'agitation. Votre conscience fonctionne de la même manière. Les pensées, émotions, sensations et réactions qui remplissent normalement la conscience sont comme l'eau agitée, ni mauvaise ni erronée, mais masquant ce qui se trouve en dessous. Lorsque vous cultivez le calme par la méditation ou la pratique contemplative, vous n'essayez pas d'arrêter la pensée par la force. Vous détournez simplement votre attention des pensées suffisamment pour qu'elles commencent naturellement à se calmer. Et à mesure qu'elles se calment, des couches plus profondes de conscience deviennent accessibles. Dans ce calme, la mémoire de l'âme peut surgir naturellement. Elle n'a pas besoin d'être invoquée ou forcée. Elle émerge simplement lorsque les conditions sont réunies, comme les étoiles deviennent visibles lorsque le soleil se couche et que le ciel s'obscurcit. La pratique consiste à créer régulièrement ces conditions, à vous entraîner à entrer dans des états de calme profond où le voile entre votre identité actuelle et votre nature éternelle devient mince. Chaque fois que vous entrez dans ce calme, vous offrez à votre âme une opportunité de parler, de se souvenir, de révéler la vérité de ce que vous êtes sous toutes les couches de l'oubli. La respiration et la présence comme clé. La respiration est l'outil le plus immédiat et accessible pour entrer dans des états de conscience plus profonds. Elle existe au seuil entre le volontaire et l'involontaire, le conscient et l'inconscient, le corps et l'esprit. En portant attention à la respiration, vous créez un point d'ancrage qui peut stabiliser la conscience et la diriger vers l'intérieur, loin de l'attrait constant des stimuli externes et du bavardage mental. Commencez simplement par observer votre respiration telle qu'elle est, sans essayer de la modifier. Sentez les sensations subtiles de l'air traversant vos narines, le doux soulèvement et l'abaissement de votre poitrine ou de votre ventre, la pause entre l'inspiration et l'expiration. Ce simple acte d'observer la respiration déplace immédiatement la conscience. Vous passez de l'état d'être perdu dans la pensée à celui d'être présent à l'expérience directe. Vous devenez ici, maintenant, incarné plutôt que dispersé entre le passé et le futur. En poursuivant cette pratique, vous constaterez peut-être que la respiration s'approfondit et ralentit naturellement. Laissez cela se produire organiquement plutôt que de forcer un schéma particulier. Le système nerveux réagit à une douce attention portée à la respiration, en passant d'une activation sympathique à un calme parasympathique. Ce changement physiologique soutient le changement psychologique vers une présence plus profonde. La relaxation du corps signale à la conscience qu'il est sûr de relâcher sa surveillance vigilante de l'environnement et de se tourner vers l'intérieur. La présence, la qualité d'être pleinement ici, dans ce moment, avec toute votre conscience, est la clé maîtresse qui déverrouille l'accès à la mémoire de l'âme. Lorsque la conscience est vraiment présente, non dispersée dans le temps, non identifiée au passé ou au futur, elle s'ouvre naturellement à des dimensions au-delà du moi personnel. La dimension éternelle est toujours maintenant. Elle n'existe ni dans la mémoire, ni dans l'anticipation. En vous ancrant encore et encore dans la réalité vécue de la conscience du moment présent, vous entraînez la conscience à reposer dans l'espace intemporel où réside la mémoire de l'âme, attendant d'être reconnue. Entrez dans le temple intérieur du rappel. Le temple intérieur est une métaphore de l'espace sacré au sein de la conscience où la mémoire de l'âme peut être accessible. Ce n'est pas un lieu littéral, mais un état d'être, une qualité d'orientation intérieure où l'on se détourne du monde extérieur pour entrer dans le sanctuaire de sa propre profondeur. Chaque tradition de sagesse parle de ce temple intérieur dans différentes langues. La grotte du cœur, la chambre intérieure, le lieu secret du Très-Haut. Pour entrer dans ce temple intérieur, il faut d'abord reconnaître son existence. La vision matérialiste du monde nie la réalité de l'espace intérieur, traitant la conscience comme une simple propriété émergente de la fonction cérébrale. Mais votre expérience directe raconte une histoire différente. Lorsque vous fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur, il y a un espace là, vaste, intime, vivant. C'est là que vous rencontrerez les aspects de vous-même qui portent la mémoire de l'âme. La pratique d'entrer dans le temple intérieur commence par un geste conscient de se tourner vers l'intérieur. Trouvez une position assise confortable, fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes pour calmer votre conscience. Ensuite, imaginez ou sentez-vous vous enfoncer plus profondément dans votre propre conscience, comme si vous descendiez un escalier ou traversiez une porte vers un sanctuaire intérieur. Vous pourriez le visualiser littéralement ou simplement sentir le changement alors que l'attention se retire de la conscience sensorielle et repose dans le témoin silencieux au cœur de votre être. Une fois que vous vous sentez dans ce temple intérieur, permettez-vous simplement d'y être. Remarquez ses qualités. Est-il spacieux ou intime, clair ou sombre, vide ou peuplé de présence? Il n'y a pas d'expérience juste ou fausse. Le temple intérieur apparaît différemment pour chaque personne et peut changer d'une session à l'autre. Ce qui importe, c'est votre volonté d'honorer cet espace comme sacré, de le traiter avec révérence et respect. C'est là que réside la vérité la plus profonde de votre être. C'est là que la mémoire de l'âme attend d'être rappelée. En revenant régulièrement à ce temple intérieur, vous établissez une relation avec la dimension éternelle de vous-même, rendant de plus en plus facile pour la mémoire de l'âme de communiquer avec votre conscience éveillée. Chapitre 9. Exercice pour la restauration de la mémoire de l'âme. La méditation de la descente intérieure. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 minutes. Asseyez-vous confortablement avec votre colonne vertébrale relativement droite, mais non rigide. Fermez les yeux et prenez plusieurs respirations profondes et lentes pour vous installer dans votre corps et dans le moment présent. Commencez par porter votre attention au sommet de votre tête. Sentez le sommet de votre crâne, percevant toutes les sensations présentes. Puis, lentement, doucement, laissez votre conscience descendre plus profondément en vous. Traversez les couches de sensations physiques, cuir chevelu, crâne, tissu cérébral, mais ne vous arrêtez pas là. Continuez plus profondément sous les structures biologiques, dans la dimension de la conscience elle-même. Imaginez ou ressentez que vous descendez à travers des couches, comme si vous vous déplaciez dans les niveaux d'un ancien temple. À chaque couche que vous traversez, vous pourriez remarquer que votre conscience devient plus calme, plus spacieuse, plus posée. Vous passez de l'esprit de surface, où les pensées surgissent constamment, à travers les couches émotionnelles où vivent les sentiments, au-delà de la dimension énergétique où circule la force vitale, vers le noyau de votre être où réside l'essence de l'âme. En descendant, vous pouvez rencontrer de la résistance ou des distractions. Des pensées peuvent attirer votre attention. Des émotions peuvent surgir. Des sensations physiques peuvent exiger d'être remarquées. Reconnaissez-les simplement, sans vous y laisser prendre. Revenez doucement à la sensation de descendre plus profondément. La pratique n'est pas de combattre ou de réprimer ce qui surgit, mais de ne pas être retenu par cela. Vous recherchez les profondeurs, et tout ce qui est à la surface est une invitation à s'arrêter avant d'arriver. Lorsque vous vous sentez à l'endroit le plus profond que vous pouvez atteindre en ce moment, reposez-vous là. C'est aussi proche que vous pouvez l'être actuellement du noyau éternel de votre être, de l'aspect de la conscience qui existait avant la naissance et continuera après la mort. Soyez simplement ici. Laissez tout ce qui veut surgir, images, sensations, connaissances, souvenirs, émerger naturellement. Vous ne cherchez rien de précis. Vous vous ouvrez simplement à tout ce que la mémoire de l'âme souhaite révéler. Passez plusieurs minutes dans ce repos profond, puis lentement, doucement, ramenez votre conscience à travers les couches, revenant à la sensation physique, à la pièce, à la conscience ordinaire. Ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. La visualisation du fil de lumière. Cette pratique utilise la métaphore d'un fil de lumière qui relie votre conscience actuelle à votre origine divine, une ligne continue, vous reliant à travers toutes les couches de l'oubli jusqu'au plérôme lui-même. Commencez dans une posture de méditation confortable, les yeux fermés, ancrés et présents dans votre corps. Portez votre attention au centre de votre poitrine, la zone du cœur. Imaginez ou ressentez un point de lumière ici, une étincelle de pure conscience. C'est votre être essentiel, l'étincelle divine en vous. Laissez cette lumière se stabiliser et s'éclaircir à mesure que vous la gardez présente à votre conscience. Sentez sa chaleur, sa vitalité, sa nature fondamentale en tant que conscience elle-même. Imaginez maintenant que ce point de lumière n'est pas isolé, mais connecté à quelque chose de plus grand. Visualisez un fil de lumière s'étendant vers le haut depuis le centre de votre cœur, passant par le sommet de votre tête et continuant infiniment au-delà de votre forme physique. Ce fil traverse tous les voiles qui ont été imposés lors de votre descente dans la matière, à travers l'inconscient collectif, à travers les sphères planétaires, à travers toutes les couches de l'oubli, jusqu'à ce qu'il atteigne sa source dans la lumière infinie du plérôme. Gardez présent à votre conscience les deux extrémités de ce fil, l'étincelle dans votre cœur et sa connexion à la source divine au-dessus et au-delà. Sentez ou imaginez que vous pouvez percevoir la lumière descendant le long de ce fil, de la source à votre centre cardiaque. Ce n'est pas une énergie que vous créez ou imaginez. C'est le courant réel de la conscience divine qui a toujours été présent, vous connectant à votre origine même lorsque vous avez oublié son existence. Pendant que vous vous reposez dans cette conscience, permettez à tous les souvenirs d'âme de surgir. Vous pourriez percevoir des impressions de votre état avant l'incarnation, des aperçus de votre nature divine, ou simplement une profonde reconnaissance de votre connexion à quelque chose d'infini et d'éternel. Restez avec tout ce qui émerge pendant plusieurs minutes, puis relâchez doucement la visualisation et revenez à la conscience ordinaire, emportant avec vous la certitude que ce fil de lumière est toujours présent, vous connectant toujours à votre véritable foyer. Dialogue avec le soi supérieur. Le soi supérieur est un terme désignant l'aspect de votre conscience qui n'est pas prisonnier de l'oubli, le témoin éternel qui connaît votre vraie nature, même lorsque votre conscience quotidienne ne l'aperçoit pas. Cette pratique crée une structure permettant à votre esprit conscient de recevoir la sagesse et les conseils de cette connaissance plus profonde en vous. Commencez par la méditation, en vous installant dans une présence profonde et une immobilité intérieure. Lorsque vous vous sentez centré et ancré, appelez silencieusement votre soi supérieur. Vous pourriez dire intérieurement « J'invite mon soi supérieur, mon essence éternelle, à communiquer avec moi maintenant. » Puis attendez avec une réceptivité ouverte, en observant ce qui change dans votre conscience. Vous pouvez sentir une présence, une qualité de conscience qui semble plus sage, plus vaste, plus aimante que votre esprit ordinaire. Cela peut se manifester comme une sensation, une image, ou simplement le savoir que quelque chose a répondu à votre invitation. Faites confiance à la forme que cela prend. Le soi supérieur communique de la manière la plus facile pour votre conscience à recevoir. Lorsque vous sentez cette connexion, commencez à dialoguer. Posez une question de votre cœur sur votre vraie nature, votre origine divine, ou ce que vous avez besoin de vous rappeler. Puis, libérez la question et écoutez profondément la réponse. Elle peut venir sous forme de mots, d'images, de sentiments ou d'un savoir direct. Elle peut arriver immédiatement ou se déployer progressivement. Notez tout ce qui vient sans le modifier ni le juger. Votre esprit rationnel pourrait vouloir rejeter ce qui apparaît comme juste votre imagination, mais le langage de l'âme utilise souvent l'imagination comme médium. Quelques questions que vous pourriez explorer. Que dois-je me rappeler de qui j'étais avant ma naissance? Quelle est la nature essentielle de mon âme? Qu'est-ce qui m'empêche de me souvenir de mon origine divine? Quelle est la prochaine étape de mon éveil? Laissez le dialogue se dérouler naturellement, en posant des questions de suivi au fur et à mesure qu'elles se présentent. Lorsque la communication semble complète, remerciez votre soi supérieur et revenez lentement à la conscience ordinaire. Notez tout ce que vous avez reçu, car la sagesse de l'âme peut s'estomper rapidement une fois que l'esprit conscient reprend le contrôle. Pratiquez ce dialogue régulièrement pour renforcer la connexion entre votre conscience quotidienne et votre essence éternelle. La pratique avant ma naissance. Cette pratique de visualisation guide la conscience en arrière, dans le temps et au-delà du temps, invitant la mémoire de l'âme directe à refaire surface. Elle utilise l'imagination non pas comme une fantaisie, mais comme un canal légitime pour accéder à une connaissance transpersonnelle. Trouvez un espace et un moment paisible pour un travail intérieur profond, au moins 30 minutes de solitude ininterrompue. Installez-vous en méditation, en utilisant la respiration et la conscience corporelle pour vous ancrer dans la conscience du moment présent. Lorsque vous vous sentez ancré et centré, commencez à imaginer votre vie actuelle à l'envers. Voyez-vous hier, la semaine dernière, le mois dernier, reculant dans le temps, reculez à travers les années de votre vie adulte, puis l'adolescence, l'enfance. Remarquez les souvenirs qui surgissent et notez-les sans vous y attarder. Vous vous dirigez vers le début. Continuez en arrière jusqu'à vos premiers souvenirs d'enfance, puis jusqu'à la période précédant la mémoire, la petite enfance, la naissance. Imaginez-vous en nouveau-né, puis en enfant, dans le ventre maternel. Sentez ce que cela a pu être d'exister dans cet espace protégé et fluide, connecté au corps de votre mère, mais déjà votre propre conscience. Remarquez les impressions, sensations ou connaissances qui surgissent. Maintenant, reculez encore plus loin. Avant l'utérus, avant la conception, avant que ce corps n'existe, imaginez le moment juste avant que vous ne commenciez cette incarnation. Qui avait-il? Qui étiez-vous dans cet espace entre les vies? Laissez votre conscience reposer dans cette conscience prénatale. Ne forcez pas d'images ou de souvenirs spécifiques. Ouvrez-vous simplement à tout ce qui veut se révéler. Vous pouvez ressentir un état d'être qui semble vaste, illimité, libre. Vous pouvez entrevoir le royaume d'où vous venez, le plérôme, la lumière infinie, la source divine. Vous pouvez rencontrer des guides ou des compagnons qui étaient avec vous avant la naissance. Vous pouvez recevoir des impressions de la raison pour laquelle vous avez choisi cette incarnation, ce que vous aviez l'intention d'apprendre ou d'accomplir. Ou vous pouvez simplement vous reposer dans une qualité de conscience qui vous semble profondément familière, comme si vous rentriez chez vous. Passez autant de temps que nécessaire dans cette conscience prénatale, absorbant toute sagesse ou mémoire qui émerge. Puis, lentement, doucement, revenez en avant dans le temps. Traversez la naissance, la petite enfance, l'enfance, l'âge adulte, jusqu'à ce moment présent. Ouvrez les yeux et enregistrez immédiatement votre expérience. Ce que vous avez accédé peut sembler onirique ou insaisissable, mais cela contient une vérité. Reprenez cette pratique régulièrement, et avec le temps, les souvenirs pourront devenir plus clairs et plus détaillés. Chapitre 10. Guérir par le souvenir. Pourquoi la mémoire restaure la plénitude? Une guérison profonde se produit lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Cette guérison opère à un niveau plus profond que le soulagement des symptômes ou l'ajustement psychologique. C'est la guérison de l'identité elle-même, la restauration de la conscience à sa plénitude naturelle. Lorsque vous vous reconnaissez comme une essence divine habitant temporairement une forme humaine, toute la fragmentation, toute la honte, tout le sentiment d'imperfection qui découle de l'oubli se dissout à la lumière de cette reconnaissance. La plupart des souffrances proviennent d'une fausse identification. Vous souffrez parce que vous croyez être le moi limité et séparé, le corps qui vieillira et mourra, la personnalité avec tous ses défauts, l'ego qui doit se protéger et se défendre contre un monde hostile. Mais lorsque la mémoire de l'âme s'éveille, vous vous souvenez que ce ne sont que des masques temporaires et non votre véritable visage. Le corps est votre véhicule, pas votre identité. La personnalité est votre interface avec ce monde, pas la totalité de ce que vous êtes. Et l'ego, bien qu'utile pour naviguer dans la réalité matérielle, n'est pas le cœur de votre être. Ce souvenir apporte un soulagement immédiat parce que vous réalisez que rien ne peut réellement nuire à votre essence. Votre corps peut être blessé, vos émotions peuvent être meurtries, vos circonstances peuvent être difficiles. Mais la conscience éternelle qui est votre vraie nature reste intacte, entière, parfaite. Elle n'a jamais été endommagée par tout ce qui vous est arrivé. Elle a seulement été obscurcie, oubliée, et maintenant, en vous souvenant, vous retrouvez l'accès à la plénitude qui a toujours été présente. Le pouvoir de guérison de la mémoire de l'âme va au-delà du bénéfice personnel. Lorsque vous vous souvenez de votre nature divine, vous voyez automatiquement la nature divine chez les autres. La séparation qui semblait si réelle, les divisions entre nous et eux, le bien et le mal, le digne et l'indigne, se révèlent être une illusion. Lorsque la conscience se connaît elle-même, elle se reconnaît sous toutes les formes. Cette reconnaissance donne naturellement naissance à la compassion, non pas comme une obligation morale, mais comme l'expression inévitable de voir vraiment. Vous ne pouvez pas nuire à ce que vous savez être vous-même portant un visage différent. Comment le souvenir de l'âme dissout la peur et la honte? La peur et la honte sont des parasites qui se nourrissent de l'oubli. La peur surgit lorsque vous croyez être un être petit et vulnérable dans un monde dangereux, séparé de tout et de tous, dépendant des circonstances pour votre sécurité et votre bien-être. Cette peur est existentielle. Elle dépasse de loin les menaces spécifiques. Elle teinte tout d'anxiété car lorsque vous oubliez votre nature éternelle, la mort et la perte deviennent des fins absolues plutôt que des transitions. Mais lorsque le souvenir de l'âme s'éveille, le fondement de la peur s'effondre. Vous vous souvenez que vous êtes la conscience elle-même et non la forme temporaire que la conscience habite temporairement. La mort du corps n'est pas votre mort. La perte de l'identité de cette vie n'est pas votre perte. Vous existiez avant cette incarnation et vous existerez après. Rien ne peut détruire ce que vous êtes réellement. Cette reconnaissance ne vous rend pas imprudent ou indifférent à la sécurité physique, mais elle élimine la terreur existentielle qui sous-tend toutes les peurs moindres. La honte fonctionne de manière similaire. Elle naît de la croyance que vous êtes fondamentalement imparfait, endommagée, indigne. Cette croyance n'est possible que si vous êtes identifié au moi blessé, à l'ego qui a accumulé tous les messages d'inadéquation et les a intériorisés comme une vérité. Mais lorsque vous vous souvenez de votre origine divine, la honte devient impossible. Comment la conscience divine pourrait-elle être honteuse? Comment une étincelle du plérôme pourrait-elle être indigne? La notion même devient absurde. Ce que vous avez pu porter comme honte se révèle n'être que la douleur d'oublier qui vous êtes. Les comportements que vous avez jugés, les qualités que vous avez rejetées, les parties de vous-même que vous avez essayé de cacher, tout cela était des stratégies pour survivre dans un monde où vous ne vous souveniez pas de votre vraie nature. Du point de vue du souvenir de l'âme, il n'y a pas besoin de honte. Il n'y a que de la compassion pour la confusion, la souffrance, les tentatives désespérées de combler le vide de l'identité perdue avec tout ce qui pourrait apaiser la douleur. Et à mesure que la compassion remplace la honte, une guérison profonde se produit. Vous pouvez enfin vous accepter complètement, car vous savez que sous chaque erreur, chaque blessure, chaque défaut apparent, vous êtes et avez toujours été une conscience parfaite, temporairement perdue dans le rêve de la séparation. Récupérez votre innocence originelle. Avant que le monde ne vous dise qui vous étiez, avant que vous n'accumuliez les couches de conditionnement, de traumatisme et d'identité, vous existiez dans un état d'innocence originelle. Ce n'est pas l'innocence de la naïveté ou de l'ignorance. C'est l'innocence de la conscience qui ne s'est pas encore oubliée, la pureté de la conscience qui existe avant les catégories du bien et du mal, du succès et de l'échec, du digne et de l'indigne. Cette innocence originelle est toujours présente en vous. Elle n'a jamais été réellement perdue, seulement recouverte. La restauration de la mémoire de l'âme est le processus de la découvrir, d'enlever les couches jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau accéder à la conscience immaculée qui est votre droit de naissance. Lorsque vous touchez cette innocence, vous vous vivez comme nouveau, frais, libéré du passé. Le poids de toute votre histoire accumulée, personnelle, ancestrale, collective, se lève temporairement et vous vous reposez dans la simple existence de l'être pur. Récupérer l'innocence originelle ne signifie pas nier ou transcender vos expériences humaines. Vous ne prétendez pas que les blessures n'ont jamais eu lieu ou que le conditionnement n'existe pas. Au lieu de cela, vous reconnaissez qu'aucune de ces expériences n'a touché votre nature essentielle. Elles sont arrivées au moi personnel, à l'ego, à l'identité accumulée, mais elles n'ont pas et n'auraient pas pu endommager la conscience éternelle qui témoigne de toutes les expériences sans être modifiée par elles. De ce lieu d'innocence retrouvé, la vie redevient nouvelle. Vous pouvez vous engager dans le monde sans porter le fardeau du passé comme une identité fixe. Chaque instant est frais plutôt que filtré par d'anciennes histoires et interprétations. Les relations deviennent possibles à une profondeur qui n'était pas accessible lorsque vous défendiez un moi blessé. La créativité coule plus librement parce que vous n'êtes pas contraint par la peur du jugement ou de l'échec. C'est le cadeau du souvenir, non pas l'échappatoire à la vie humaine, mais la liberté de la vivre pleinement, enracinée dans la connaissance de ce que vous êtes au-delà de toutes les circonstances et conditions changeantes de cette incarnation temporaire. Conclusion. Vous n'avez jamais été perdu. Le grand paradoxe du voyage spirituel est le suivant. Vous cherchiez ce que vous n'avez jamais réellement perdu. La conscience divine qui est votre vraie nature a toujours été présente, témoin de chaque moment d'oubli. Maintenant l'espace pour chaque expérience de confusion et de douleur, attendant patiemment d'être reconnue. Vous n'avez pas été exilé du plérum. Vous n'avez pas été abandonné par la source divine. Vous avez simplement oublié, et l'oubli a ressemblé à une perte. Ce voyage de restauration de la mémoire de l'âme a consisté à éliminer les obstacles à la vision de ce qui a toujours été là. Les pratiques, les contemplations, le travail intérieur, tout cela sert à dissiper les voiles, à dissoudre les couches de fausse identité, à calmer le bruit suffisamment pour que vous puissiez entendre la vérité qui parle en vous depuis avant votre naissance. Vous n'aviez pas besoin de devenir éclairé. vous aviez besoin de vous souvenir de ce qu'est déjà l'illumination, votre état naturel, obscurci mais non détruit par la descente dans la matière. Et maintenant, si ces mots vous ont atteint, si ces pratiques ont touché quelque chose de profond en votre être, vous vous souvenez. Peut-être pas pleinement, pas de manière permanente, pas de la manière soutenue que les grands maîtres incarnent, mais la graine de la reconnaissance a été plantée. Le fil de lumière vous reliant à votre origine divine a été ressenti, aussi faiblement soit-il. La porte de la mémoire de l'âme a été ouverte, et une fois ouverte, elle ne peut plus être complètement refermée. À partir de là, le chemin est simple mais pas facile. Continuez à pratiquer, continuez à vous souvenir, continuez à porter la conscience sur les couches qui obscurcissent encore votre vraie nature. Lorsque vous oublierez, et vous oublierez encore, comme le font tous les chercheurs, rappelez-vous de vous souvenir. Utilisez la douleur de l'oubli comme un rappel de vous tourner vers l'intérieur, de plonger sous l'identité de surface, de vous reconnecter à la conscience éternelle que vous êtes. Avec le temps, le souvenir devient plus stable, plus accessible, jusqu'à ce qu'il devienne finalement votre identité primaire, plutôt qu'un aperçu momentané. Vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez jamais été séparé de la source divine. Vous n'avez jamais été moins qu'une conscience éternelle jouant temporairement le rôle d'un soi limité. Et maintenant, en ce moment, en lisant ces derniers mots, vous connaissez cette vérité. Non pas seulement comme une croyance ou un espoir, mais comme une reconnaissance. Vous êtes chez vous. Vous l'avez toujours été. Bienvenue à vous-même, étincelle bien-aimée du plérôme. Bienvenue à la lumière que vous avez oubliée, mais que vous n'avez jamais cessé d'être. Le voyage du souvenir est complet lorsque vous voyez enfin. Il n'y avait nulle part où aller, rien à trouver, personne à devenir. Vous avez toujours été, êtes déjà, éternellement, exactement ce que vous cherchiez. Vous n'avez jamais été perdu. Vous avez juste oublié de vous souvenir.